Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Une émission proposée par Hubert Ledan. C'est encore un nouveau jour qui se lève, celui de Danser Maintenant, sur votre radio préférée, Sorgia FM. Comme toutes les semaines, on va parler accordéon, on va parler chanson française et on va découvrir encore de nouvelles pépites. Aujourd'hui, deux artistes au programme de ce Danser Maintenant. Je vous l'avais promis il y a deux semaines de ça, si mes souvenirs sont bons, puisqu'on avait fait une spéciale Lionel Belluard. Eh bien, on avait dit, on se retrouvera avec Dimitri Sossar, mon deuxième collègue de l'Orchestre Tendance. Eh bien, écoutez, c'est cette semaine qu'on va pouvoir écouter enfin Dimitri Sossar et son doigté d'or avec l'accordéon qu'il sait si bien manier. Vous allez voir de très belles chansons, de très belles, surtout, compositions. Il ne chante pas, hein, il joue de la trompette, on ne peut pas tout faire. Alors, voilà, Dimitri Sossar avec cet album qui s'appelle 90 euros et 3 points. Ça, c'est un titre très original. On va retrouver aussi la chanson française dans toute sa splendeur avec un artiste que je côtoie un petit peu puisque j'ai le plaisir de composer quelques chansons pour lui assez souvent. Il s'appelle Michel Monaco. Eh bien, on écoutera donc un de ses albums, un de ses derniers albums, Vivre sans Je t'aime, un très très bel album. On commence tout de suite avec 90 euros, 3 points, Dimitri Sossar. Dansez maintenant. We'll be right back. Je vous l'avais dit, ça déménage avec Dimitri Sosa. Voici maintenant, après ce passodoble qui s'appelait Hola Ketal, voici Valsin Queen. Et moi, j'ai le cœur qui tape comme un fou quand je vois vos visages et vos sourires. Où que je regarde, c'est du vrai bonheur. Et comme il me tarde de poser mon cœur sur notre avenir brodé de lumière, fêtons ensemble cet anniversaire. Il y a 25 ans, 6 mois et 2 jours que je chante pour vous des chansons d'amour. Et tant mieux si ce bonheur est fait pour durer bien plus longtemps que toujours. Je me retourne sur le temps qui passe. Je peux vous jurer, vous le dire en face, dont je n'ai jamais eu le moindre doute, car vous m'êtes fidèle au long de ma route. C'est beau, c'est pur, c'est comme du diamant. La nostalgie d'une mélodie d'avant. Nous avons devant nous la vie entière. Fêtons ensemble cet anniversaire. Il y a 25 ans, 6 mois et 2 jours que je chante pour vous des chansons d'amour. Et tant mieux si ce bonheur est fait pour durer bien plus longtemps que toujours. y a 25 ans, 6 mois et 2 jours, que je chante pour vous des chansons d'amour. Et tant mieux si ce bonheur est fait pour durer bien plus longtemps que toujours. 25 ans, 6 mois et 2 jours, c'était Michel Monaco. Allez, on retrouve Dimitri Sossard avec Roule ma poule, tcha tcha tcha. Voilà, c'est vraiment un plaisir d'écouter Dimitri Sossard avec Roule ma poule. Et puis maintenant, voici un peu de douceur avec Au bonheur des danseurs. C'est un joli boléro que je vous laisse apprécier comme il se doit. On a bien dansé la samba avec Dimitri. On va retourner sur, du côté de la valse avec le valseur fou. Et on enchaînera avec un joli tango qui s'appelle Show Tango. Toujours cette spéciale Dimitri Sossard dans votre émission préférée. Thank you. Allez, moi je vous propose de retourner du côté du Paso Doble, toujours avec Dimitri. Ça s'appelle El Choupito. Et puis on enchaînera avec une chanson de Michel Monaco, La France sommeille. Jamais été aussi bleu et Paris aussi silencieux. Les quais sont déserts et Notre-Dame sans son toit a du vague à l'âme. Il est 8 heures, Paris sommeille et partout ailleurs c'est pareil. Les piétons ont tous disparu, les voitures n'encombrent plus les rues. Nos villes sont devenues désertiques, comme des cités antiques. Il est 10 heures, Lyon sommeille et partout ailleurs. Les avions dorment dans les aéroports, les bateaux ne quittent plus leur port, et les trains s'ennuient sur les quais. On dort dans un calme parfait. Il est 13 heures, Marseille sommeille et partout ailleurs c'est pareil. Et comme des belles au bois dormant, nos villes vont se réveiller doucement, doucement. Et les confinés qui furent souvent moroses pourront enfin chanter la vie en rose. La France sommeille. Partout ailleurs, c'est pareil. La Gironde est devenue plus gironde. Sans toutes les souillures immondes qui flottaient sur ses eaux boueuses. La voici claire et lumineuse. Il est 16h, Bordeaux sommeille, et partout ailleurs, c'est pareil. À Nantes, Toulouse ou Strasbourg, à Lille, Rennes ou Rocamadour, dès qu'approche la fin du jour, à sa fenêtre, on fait un tour pour applaudir avec ferveur ceux qui pour nous défient la peur. Pour applaudir avec ferveur ceux qui pour nous défient la peur. Magnifique, La France sommeille, Michel Monaco. De belles chansons dans cet album. Je vous le rappelle, le titre de l'album, Vivre sans Je t'aime, Michel Monaco. Vous pouvez bien sûr retrouver sur internet toutes les coordonnées de Michel pour pouvoir vous procurer ce merveilleux CD. Voici donc Dimitri maintenant qui va nous interpréter une petite rumba qui s'appelle Rumba Daboum. Il a toujours le sens du titre, Dimitri. Thank you. FM, Hubert Ledent. Quand je vous dis qu'il a vraiment le sens du titre, Dimitri, voici maintenant Fa, Si, La, Marché, tout simplement. C'est une marche. Et puis juste après, Michel Monaco, toujours avec ce cœur des femmes qu'il sait si bien chanter. Voici donc Dimitri et juste après Michel Monaco, le cœur des femmes. Besoin de rêve quand un nouveau jour se lève, il veut séduire la chance sur un dernier pas de danse, brûlant à l'intérieur de mille éclats de rire et gardant le meilleur pour qui voudra le suivre. Il y a dans le cœur des femmes des promesses d'avenir. Il bat si fort le cœur des femmes et qu'il croise un sourire. C'est le grand amour qu'il réclame, celui qui fait souffrir. À en faire déborder de larmes le fleuve des souvenirs. Un beau prince charmant, il a l'éclat du diamant, et pour l'amour d'un enfant, il se fait grand bateau blanc. Ce sont nos prénoms gravés sur les corses d'un pommier. Quand l'amour leur a tourné, c'est de l'être dans la scène. Il y a dans le cœur des femmes des montagnes de courage et les mots qui font le charme d'une vie sans maquillage. Comme une douce soirée d'automne, un regard de madone, il sait rendre heureux tous les hommes. Le cœur des femmes en somme. Il y a dans le cœur des femmes mille bouquets de roses et des journées de vague à l'âme quand il manque quelque chose. Ces émotions n'ont pas d'âge, éblouies de mirage. Moitié soleil, moitié nuage, c'est beau un cœur de femme. Sur Sorgia FM, Hubert Ledent. Après ce cœur des femmes dont j'ai eu le plaisir de faire la musique, interprétée donc par Michel Monaco, on va retrouver bien sûr Dimitri Sossard avec tout d'abord Magic Polka, et puis on enchaînera avec la Java du bout du monde. Thank you. maintenant sur Sangia FM, Hubert Ledan. Allez, on retrouve Dimitri Sossard avec cette jolie valse qui s'appelle Emma. Et puis juste après, Michel Monaco nous interprétera chanson romance. Chaleur. Je te donnais l'envie d'enfin croire à ta vie en chantant avec douceur. C'est une chanson romance qui vient du fond du cœur pour essuyer tes pleurs. C'est une douceur partagée du plus profond de moi pour t'apporter la joie. C'est un regard qui s'élance, un reflet de mon âme pour animer la flamme. C'est un parfum nostalgie, une caresse sagesse pour soigner ta tristesse. Et j'aime aussi te voir rougir, dessiner ton sourire quand je viens te parler d'amour. Je sais qu'on se connaît très bien, tu viens de loin, je suis là pour gommer tes doutes, te faire oublier tout ce qui t'a blessé avec mon cœur de troubadour. Le violent zigane qui fait danser les femmes, c'est moi qui aime sans détour. C'est une chanson romance qui vient du fond du cœur pour essuyer tes pleurs. C'est une douceur partagée du plus profond de moi pour t'apporter la joie. C'est un regard qui s'élance, un reflet de mon âme pour animer la flamme. C'est un parfum nostalgie, une caresse sagesse pour soigner ta tristesse. C'est une chanson romance qui vient du fond du cœur pour essuyer tes pleurs. C'est une douceur partagée du plus profond de moi pour t'apporter la joie. C'est un regard qui s'élance, un reflet de mon âme pour animer la flamme. C'est un parfum nostalgie, une caresse sagesse pour soigner ta tristesse. Soigner ta tristesse. Ta tristesse. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. C'est vrai que cette émission passe un petit peu trop vite. C'est déjà la fin de cette émission. Encore un titre à écouter de Dimitri. Et puis, bah voilà, il sera temps de se dire au revoir. J'espère que vous avez apprécié ces deux artistes qu'on a découverts aujourd'hui. Dimitri Sossard, mon collègue de l'Orchestre Tendance avec Lionel Belluard. Voilà, j'alterne entre les deux en général et on passe de super moments, que ce soit avec Dimitri ou que ce soit avec Lionel. On s'amuse comme des petits fous et je pense que ça se ressent un petit peu dans les balles aussi, il faut le dire. Et donc, j'espère que vous avez apprécié donc Dimitri à l'accordéon et puis la jolie voix, la douce voix suave de Monsieur Michel Monaco et ses belles chansons d'amour. Il sait parler aux femmes, ce monsieur. Alors, on va terminer avec un rock in rag, c'est-à-dire que c'est un ragtime, c'est presque un Charleston, on va dire, c'est un mélange de tout ça. Vous allez apprécier, ça sera bien sûr Dimitri Sossard qui va terminer ce bal aujourd'hui. Je vous remercie pour votre fidélité. On se retrouve évidemment même endroit, même heure, dès la semaine prochaine. D'ici là, passez une très très bonne semaine. Je vous embrasse. Dansez maintenant. Thank you.